5. Le prochain de M. Léonard. Le lendemain matin, en descendant pour le déjeuner, qu'elle servait chaque jour avec Élisabeth, Ondine coupa gaiement les longues tartines natales, que M. Léonard aimait en souvenir de la paisible Flandre, et qu'il mangeait de même en forme de prière. Ondine cultivait avec piété ce talent inconnu ou dédaigné dans Paris, et sa récompense était d'entendre quelquefois son oncle lui dire « Elles sont aussi étonnamment fines que celles de ma mère. » Ce matin, donc, elle le trouva contemplatif devant le tableau de chevalet qu'il composait alors. « J'aurais besoin, dit-il, d'une jolie main pour cette jeune fille qui dessine. » Ondine quitta avec empressement les apprêts du déjeuner, essuya promptement ses petites mains d'enfant et les avança ensemble. « J'espère, s'écria son oncle, que voilà un mouvement de vanité bien conditionné. Je demande une jolie main, et vous avancez les vôtres. C'est comme si vous répondiez « Mon oncle, en voilà deux. » Après cela, soutenez que vous n'êtes pas pétri de confiance et de bonne opinion de vous-même. Mon oncle, vous souhaitiez... Et si je souhaitais tout à l'heure une figure de Michel-Ange, ou la Vierge, à la couronne d'étoiles, d'Albert Dürer, vous diriez sans hésitation « Mon oncle, me voilà ?»« Suis-je ainsi, mon oncle ? » dit-elle, étonnée et triste. « Ne voyez-vous jamais en moi le désir de ne pas vous être toujours inutile ?» M. Léonard la regarda sans trop savoir que répondre, car un père n'était pas plus accessible à la voix de son enfant qu'il était à celle d'Ondine. Il lui pardonnait même jusqu'à son nom, qu'il trouvait absurde quand il avait l'humeur sombre, mais dont il jetait le ridicule sur la marraine allemande qui en avait emmailloté cette petite fille, comme une ferrailleuse glisse un mauvais don sous la layette d'un bel enfant. Leur silence, pendant quelque temps, ne fut interrompu que par le bruit des tasses qu'elle essuyait à l'approbation d'Élisabeth, de manière à les rendre plus brillantes que neuves, et M. Léonard broyait un peu de noir sans rien dire. Dès qu'Élisabeth fut remontée dans sa chambre, tous deux cherchaient de quoi ils parleraient pour recommencer l'entretien, quand ils entendirent frapper, ou plutôt gratter doucement à la porte. « Au diable les importuns, » dit M. Léonard, « c'est bien le moment des visites à 8 heures du matin. Je parie que c'est M. Barbier, de plus en plus bossu, et qui ne vient pas une fois qu'il ne nous chante, sans son chien et sans houlette. J'ai bien besoin de M. Barbier. » « Pauvre M. Barbier, » dit piteusement la jeune fille, qui plaignait tout ce qui semblait déplaire. « Il est vrai qu'il est plus bossu que jamais, et que c'est à peine si j'entends le souffle avec lequel il chante. « Pauvre M. Barbier. »« Tant pis, » répliqua M. Léonard en contenant sa voix. « Je n'y suis pas. Je veux peindre. Il est affreux que l'on vienne me voler mes heures de travail, les seules aimables de ma vie. Il est fort que l'on s'oppose à ma volonté de peindre. « Je n'y suis pas, » ajouta-t-il tout haut, emporté par l'impatience et tout à fait en colère de ce grattement qui continuait toujours, avec la petite toux factice de quelqu'un qui veut être entendu sans parler. « Vous n'êtes pas indigné, vous ?» Et il regardait Ondine, se persuadant que rien au monde ne pouvait l'émouvoir, puisqu'elle n'offrait pas le moindre signe d'altération dans ses traits. À la fin, il pose sa palette avec un profond soupir, enfonce son bonnet avec désespoir, entrouve un peu la porte, sans antichambre, et sort bientôt tout à fait. Ondine entendit d'abord un long chuchotement dans l'écho du corridor délabré. Puis elle vit rentrer son oncle, lui faisant signe de se taire, bien qu'elle n'eût pas la moindre envie de parler. Il court droit à sa petite table de sapin, dont le tiroir qui ferme à clé lui tient lieu de secrétaire. Après en avoir retiré quelque chose avec promptitude, il s'en retourne sur la pointe des pieds jusqu'au corridor, et rentre presque aussitôt, en saluant profondément et à plusieurs reprises, avec son bonnet de velours à la main, quelqu'un qui ne se laissait pas voir et qu'elle entendit descendre. M. Léonard paraissait ému. Il passait sa main sur ses yeux, quoiqu'il se fût remis au travail et qu'il peignît avec action. Au bout d'un temps assez long, regardant fixement sa nièce, comme si elle suivait le fil de ses idées, il dit « C'est fort bien, et personne ne le plaint plus que moi, mais nous voilà un peu dans la peine, car je lui ai tout donné. » « Tout donner à qui, mon oncle ?»« À cet homme qui grattait, et qui est venu par-dessus cela, me faire un mal épouvantable du récit de ses chagrins. »« Qui est-il ? » ?»« Ah, ma foi, je l'ignore. »« Vous devez sentir qu'on ne va pas demander à un homme qui pleure comment il s'appelle, avant de faire quelque chose pour qu'il ne pleure plus. » »« D'ailleurs, n'y a-t-il pas une douceur infinie à se voir pris, pour un préposé de la Providence, à oser le croire un moment soi-même ? » ?»« C'est une immense faveur de Dieu. » Cet étranger a peut-être frappé inutilement à bien des portes, et rien ne doit être si affreux qu'un refus pour un homme qui s'est abaissé, ou élevé jusqu'à tendre la main à l'homme. Et puis c'est un père de famille qui ne pouvait rejoindre son pays, ni ses enfants, sans le secours d'une somme que j'avais fort heureusement dans mon tiroir. Le prix du portrait de Madame Paulet, vous savez. La somme entière, mon oncle? Dit Ondine en joignant les mains avec effroi. Quoi, tout entière? Tout ce qui nous restait? Parbleu, il le fallait bien, puisque c'était précisément ce qu'il lui fallait à cet homme, ce dont il ne pouvait se passer, pour retourner dans son pays, qui est à 60 lieues d'ici. J'ai tout calculé avec lui dans le corridor. Il n'aura juste que ce qu'il lui faut. Il ne m'a pas trompé d'une poste, j'en suis sûr. Cet homme paraît d'une sincérité. Si vous saviez comme on l'a trompé à Paris, on devrait rougir. Il m'a raconté là, en un quart d'heure, de quoi écrire un volume, un triste volume, Ondine, de quoi faire fuir au bout du monde ces vilains hommes que l'on voudrait aimer. Mais vous ne me croyez jamais quand je vous dis d'aller vivre au village. Ah, mon Dieu, répondit-elle, car elle pensait au lendemain. D'où cet homme étranger vous connaît-il donc? J'ai oublié de m'en informer. Mais il m'a fort bien appelé par mon nom. D'où le sait-il? Vous m'y faites songer. Peut-être le pauvre de l'autre fois qu'il l'aura envoyé. Enfin, je le remercie de sa confiance, car à tout prendre, c'est une très bonne chose que d'obliger. Ondine ne savait que faire, de sauter au cou de Monsieur Léonard ou de le gronder à son tour, d'avoir ainsi donné toute leur fortune présente. Elle se tut pourtant, essaya de sourire et pleura. Son oncle, qui la regardait un peu inquiet, s'attendrit aussi tout à fait. « Il est certain, lui dit-il, en serrant affectueusement sa main dans les siennes, il est certain que votre main fera assez de bien dans mon tableau. Au bout du compte, il n'y a pas grand mal que vous sachiez que votre main est jolie, d'autant plus que vous êtes élevé de façon à ce que l'orgueil ne soit pas votre plus grand défaut, quoique l'on dise que toutes les femmes lui sont fiancées en essence. Vous avez même une foule de bonnes qualités qui me rassurent souvent. D'abord, vous tenez le linge avec un ordre admirable. Vous marquez très bien, vous m'avez fait ce tapis de pied brillant comme une mosaïque, et qui donne à mon atelier une tournure de musée tout à fait élégante. Et cela, je dois en convenir, sans faire votre embarras et l'accapable, mais une chose dont il faut vous corriger le plus tôt possible, c'est de toujours pleurer comme vous faites. On dirait que vous avez lu des magasins de romans. Si l'on vous gronde un peu, vous pleurez. Si l'on vous dit que vous êtes une bonne fille et que l'on vous finira par vous aimer, vous pleurez. Enfin, si tout ne va pas à la satisfaction des autres, vous pleurez. Vous pleurez encore. Vous sentez que c'est par trop. D'autant plus que votre faiblesse me gagne de temps en temps, et qu'après ces serrements de cœur, je fais de la peinture détestable. Celle de ce matin ne sera bonne qu'à jeter par la fenêtre. Cette tête de mort couronnée avec vos fleurs a dansé devant moi toute la nuit. Ondine égaya le plus qu'elle put ses yeux rouges pour ne pas attrister son oncle, et lui demanda s'il finissait de déjeuner. « À propos, répondit-il, il reste encore quelque chose de notre excellent déjeuner à un café supérieur, en vérité petite. Vous voyez bien que la Providence est toujours meilleure que nous. Je croyais qu'il ne nous restait rien. » Élisabeth rentra demander à M. Léonard ses ordres pour le dîner. Il regarda sa nièce. Sa nièce regarda Élisabeth, et tous trois demeurèrent sans parole. « Bah, dit-il enfin pour se retirer d'affaire, on pense donc toujours à manger dans ce monde. » Mademoiselle Élisabeth se mit à rire, observant qu'on ne pouvait du moins y songer plus modestement. « C'est qu'il y a un inconvénient aujourd'hui, Élisabeth. Je n'ai pas un denier à vous donner. Que faites-vous donc de votre argent, monsieur ? Lui demanda-t-elle avec le ton d'autorité que donne aux femmes un grand esprit d'ordre. Ce n'est pourtant pas moi qui en dépense le plus ici. Et si l'on a toujours été aussi sobre que nous dans cet ancien couvent, les âmes qui l'habitaient ont dû s'envoler au ciel, légères comme des plumes. Expliquez-lui un peu pourquoi je suis plus pauvre qu'à l'ordinaire, Ondine, car il faut tout lui dire à cette infatigable demandeuse. Mon Dieu, monsieur, je ne le devine que trop, reprit-elle en grondant. J'ai vu d'en haut rôder dans les décombres un homme qui avait bien l'air de chercher mon dîner. C'est toujours la même chose. Mais très certainement, vous ne vous en passerez pas pour le bon plaisir du premier venu qui viendra vous faire croire qu'il est plus malheureux que vous. Au reste, je ne fais que mon devoir en mettant mes épargnes de côté pour les moments difficiles. Là-dessus, elle sortit, se promettant bien de renouveler au portier ses reproches, de laisser monter à l'atelier tant de gens matineux qui n'y venaient pas pour se faire peindre. « Quelle excellente fourmi que cette pauvre Élisabeth, » dit M. Léonard, en la suivant des yeux. « Quand j'examine le dévouement de cette sage créature, je me sens plus heureux que si j'avais 20 000 livres de rente. Il me prend quelquefois envie de les avoir pour la récompenser un jour comme elle le mérite. Et puis, ma chère enfant, je serai plus tranquille sur vous dont l'avenir me travaille souvent. Et j'y pense, il faut que j'aille trouver ce bon de la roche qui me fait vendre mes tableaux. Quand les riches qui les ont commandés me les laissent sur les bras, j'en ai un par parenthèse qui donnera un peu de spleen à nos coloristes. Je vous assure, petite, il est tout lumière. Où est-il donc, mon oncle ? Dans ma tête, répondit Monsieur Léonard en ôtant la poussière de quelques petits tableaux retournés vers la muraille et sans cadre. Dans ma tête, qu'il éclaire et qu'il échauffe souvent jusqu'au malaise. Aussi, je ne peux pas toujours entendre de sang-froid vos excuses de jeune fille paresseuse. Ce n'est point par haine contre vous, ma pauvre Ondine. Soyez-en sûre. Non, il me semble que je ne vous hais pas du tout. Et il se hâtait de rendre quelque éclat aux peintures qu'il voulait vendre. Vous êtes si bon, mon oncle, répondit-elle en examinant avec intérêt les jolis paysages où son oncle faisait un choix pour épuiser une ressource d'argent. Que cela est frais et riant, poursuivit-elle. Oh, que j'aime celui-ci. Ce sont d'excellentes petites croûtes que je jette dans les coins pour les temps de famine. Mon grenier n'est pas abondant, par malheur. Pas si croûte, toutefois, continua-t-il en scrutant de près et de loin celui que sa nièce avait loué davantage. Comment donc? Il vaut 4 napoléons. Pour ce seul arbre, dont les feuilles bougent, on dirait qu'elles font du bruit sur ce petit fond plein d'air. Oh, mon oncle, 4 napoléons, dit-elle palpitante de joie. 6 napoléons, mademoiselle, ajouta-t-il d'un ton plus résolu. Ondine battit des mains avec confiance. Mais je suis bon enfant, reprit-il, comme un homme lassé d'une onéreuse modestie. Pourquoi donc n'en aurais-je pas sa vraie valeur? Si Delaroche n'en trouve pas 200 francs net, la peinture est perdue. Mais celui-ci donc, vous ne le regardez pas, dit-elle en désignant du doigt une toile plus grande, également retournée contre le mur. Arrêtez, s'écria M. Léonard, en saisissant avec vivacité la main de sa nièce. Vous ne toucherez jamais à cette toile, parce qu'elle est sacrée, entendez-vous? Il y avait quelque chose de solennel et de nouveau pour Ondine dans l'accent de M. Léonard. « Je ne présume pas que vous l'ayez jamais regardée, ajouta-t-il avec gravité. « Jamais, non, répondit simplement Ondine. Elle était retournée. C'était comme enfermée, mon oncle. « Oh, je suis sûr de vous comme de moi-même, dit-il avec un orgueil attendri. « Vous êtes déjà d'une probité qui vous interdit tout espoir d'aller en voiture. Au reste, vous pouvez apprendre que je n'ai plus revu cette toile en face depuis 12 ans. » Il y a, poursuivit-il en y appuyant ses mains qui tremblaient un peu, il y a la poussière de 12 ans, les regrets de 12 ans, les prières de 12 ans là-dessus. Vous savez que sans aller beaucoup à la messe, j'ai dans l'âme ce que Dieu demande à ceux qu'il aime et qu'il éprouve. Ondine écoutait et regardait son oncle, sans comprendre, mais avec une sympathie au-dessus de son âge. Il y avait quelque chose de doux et d'amer dans l'expression des traits du peintre, ordinairement calmes et reposés. Un cercle pâle se dessinait sous ses yeux noirs et les creusait. Ce léger incident venait de toucher en lui une blessure, et ce fut vraiment avec la pitié muette d'un ange qu'elle fit retomber ce mot en elle-même. Il a souffert.